Ces jours-ci, les États-Unis introduisent de pléthoriques biens stratégiques nucléaires en Corée du Sud pour élever le niveau de menace militaire contre notre République. À ce propos, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu le 3 août aux questions posées par l'Agence télégraphique centrale de Corée. Il note, entre autres, ces jours-ci, les États-Unis prétendent une riposte militaire contre le deuxième lancement d'essais fructueux de notre fusée balistique intercontinentale de type FA-114 et recourent à l'aventure militaire tout en introduisant en grande quantité leurs biens stratégiques de pointe dans la péninsule coréenne. Après avoir mené les exercices de tir de missiles visant notre République avec les militaires sud-coréens, ils ont introduit pendant 10 heures deux bombardiers stratégiques nucléaires B-1B dans l'espace aérien de la péninsule coréenne pour les exercices de bombardement, d'une part, et d'autre part, ils ont effectué les exercices d'interception de missiles imaginant notre fusée balistique et décidé la disposition supplémentaire de la rampe de SAD. Le président du Conseil des chefs interarmes américains et le commandant des forces américaines au Pacifique ont discuté ensemble avec les autorités sud-coréennes sur un certain projet de riposte militaire et parlent ouvertement de disposer de façon intensive les biens stratégiques de pointe aux alentours de la péninsule coréenne pour ainsi révéler leur intention d'attaque militaire. Notre deuxième lancement d'essai de la fusée FA-114 est un avertissement sévère adressé aux États-Unis qui parlent d'une pression militaire et menace de sanctions extrêmes contre notre République avec des propos téméraires. Les démarches téméraires militaires américaines montrent que les États-Unis, État agresseur, n'ont pas encore compris que leur adversaire est une puissance nucléaire capable de rendre en cendres leur territoire. Aucune menace militaire ni chantage américain ne peut point nous effrayer, mais au contraire, nous raffermer que la volonté de vengeance de notre armée et de notre peuple. Si les États-Unis continuent à se démener témérairement sur ce territoire avec leurs bâtons nucléaires criminels, en dépit de nos avertissements réitérés, ils verront bien la puissance de nos forces stratégiques nucléaires montrées jusqu'à présent.